Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue au Cirque Aquatique Magique. À votre compagnie, François G. Couillard. Cette semaine, une grande artiste nous a quittés. Ève Cournoyer nous a quittés pour, certains disent, pour un royaume meilleur. Bon, croyez-le comme vous voulez. Et puis, ben nous, on va écouter justement, pour commencer, quelques pièces de Madame Cournoyer. La première pièce s'intitule « Aïe aïe ». D'hommes et de femmes réapprendre à faire de la politique de la vraie. Débattre, discuter, réfléchir, puis décider ensemble. Ce que j'ai vu tout au long de cette tournée, c'est une démocratie belle, vivante, inclusive et forte. Les partis politiques dominants, les libéraux les premiers, devraient s'en inspirer plutôt que de nous faire la leçon. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de gens qui méprisent la liberté et la justice. Yeah. Si la vie se charge de nous faire comprendre des choses, Osons-nous avouer qu'on n'a rien compris à la vie? Car voilà qu'on la réduit en une chose, qu'on overdose et le surplus explose. La tombe se comble avec toutes ces choses, on se sent moins que rien sans toutes ces choses. Ce qu'on achète puis a jeté boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète puis a jeté boomerangera dans l'ouragan Hannah. Courte et qu'en profiter est sage chose. Arrêterons-nous de gaspiller, le demi-tour est permis. On est tombé dans le panneau du plastique, dans la flèche d'or, tous dans le trafic. Humain effaré sur la route du fric, être rendu là, c'est plus chic. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Qu'on fait sont en harmonie, v'là le bonheur dans la vie. Plutôt on compense, on dépense, ensuite on ressent l'effet. Mais on pourrait faire mieux que ça, cheminer, cracher nous le résultat. La doctrine du dioxyde nous étouffera. Toutes ces choses inutiles, c'est ce qui restera. Le terme cri du jour, des sacs vides d'amour, des sandales éphémères, des bijoux de ma mère, des carcasses d'équipements qui prenaient tout mon temps, des bébelles de bébé, des poubelles d'Angers, des lits, des draps, des cochonneries, des gugus à un hors plastique hystérie. Le continent de vidange grossit. L'histoire de la terre, c'est que c'était beau ici. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qui arrive avec nos universités, c'est en fait ce qui arrive partout. C'est ce qui arrive avec le Québec. Ce ne sont pas les politiciens et les politiciennes qui sont corrompus, ce sont toutes, malheureusement, nos institutions. L'appât du gain les a rongées, le tout à l'économie des libéraux les a détruites, leur a même fait oublier leur raison d'être. Et notre démocratie s'est perdue. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit, de démocratie. De cette Assemblée nationale dont on ne cesse de nous dire qu'elle nous représente. De ces écoles qui devraient servir notre émancipation individuelle et collective, de ces hôpitaux qui devraient gratuitement nous garder en santé. Il s'agit de tout ce qui devrait nous appartenir et ne nous appartient plus. On appelle ça un vol, on appelle ça un hold-up. C'est un hold-up et nous connaissons le coupable de ce vol. Il n'a pas de visage, il n'a pas d'emploi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une structure, c'est une vision du monde, c'est une idée et une réalité à la fois, c'est un système économique et il porte un nom, le capitalisme. Pacha et ma chippie, ils furent même plus que des amis. Sans souci, ils voulurent céder. Chippie championne pour tout louper. On freigna la loi du Pacha, mais une chippie s'est faite pour ça. Des aliénés, l'insupportable, tout ça rendit Pacha malade. Je ne t'aime pas, chippie, va-t'en, lui dit Pacha. pourquoi es-tu comme ça sous mon toit, faut vivre en pacha. Songea à tout ce qui lui causait tracas. Elle vit clair que la haine qu'elle traîne fait d'elle une mauvaise reine. N'avait de rêve que pour Pacha, suffire pour lui comme chocolat. Quand ma mère sonnait son patois dans sa chambre bleue et du froid. Il ne t'aime pas, Chippy le blanc. Oublie Pacha le commandant. Pour qui, pourquoi s'ouvrir comme ça? Pacha, Pacha, arrête de rêver, toi et Chippy sur la grève, les pieds dans l'eau, garde au loin, le sens-tu, tout ou rien, suffoquant dans ce sabotage, Chippy étouffé dans sa cage, elle a tout dit fut trop, sauvage et gris sur ton îlot, la peine d'avoir perdu Pacha dans l'espace d'une vie. Continue de chanter. On t'aimera, Chippy, crois-moi. Et cela va juste dans les draps. On t'aimera, Chippy, dis-moi. En qui tu crois, en quoi tu crois. Dis-moi pas qu'on va céder. Fantastique, renversant, superbe. Vous avez entendu Ève Cournoyer qui est morte cette semaine. Alors, on commémore son décès. On a entendu la pièce Chippy, Anna et Ayoy. Est-ce que Ève Cournoyer était lutte de classiste? Qu'est-ce que ça veut dire, sa lutte de classiste? Eh bien, c'est évidemment une vision marxiste du monde qui sépare celui-ci en deux classes opposées, la classe populaire et la classe des riches. Et dans sa chanson « Ayoy », c'est clairement ça que Mme Cournoyer fait. Elle dit « Bon, les ceux qui sont riches ont assez fait d'échecs, c'est le temps des petits d'essayer. » Alors, une artiste avec une grande lucidité. C'est sa tante qui l'a initiée à la musique dès l'âge de 5 ans. Après ça, elle a bifurqué vers le domaine de la mode, mais elle est revenue à la musique très rapidement. Elle s'est acheté une guitare acoustique. Et dites-moi, qu'est-ce qui a fait d'elle une grande artiste, une artiste talentueuse? Eh bien, c'est bien sûr ses échecs scolaires. Elle a abandonné le cégep. Alors, c'est une décrocheuse. Alors, vous voyez que le décrochage peut mener à tout. Et elle a aussi collaboré avec le grand, grand poète Richard Desjardins. Alors, adieu Ève, on va s'ennuyer de toi. Sinon, sommes-nous en période électorale? Et bien sûr, et évidemment, comme... Comme souvent, il y a plein de chansons qui sortent pour parler de ça. Et on commence avec une pièce justement sur les élections. La pièce s'intitule « Charret, Yark, Caca » de Unexpected Shy Shit of Death. Alors, c'est leur dernière, deuxième chanson. La première chanson qu'il avait faite, qui avait poigné, c'était la chanson sur la grève étudiante. Et maintenant, ça traite exclusivement de Jean Charest. Alors, évidemment, c'est du métal lourd. Alors, les enfants à la maison, baissez le volume. Et les autres, montez-le. Julien Benka, je suis candidat pour Option nationale à la circonscription de Saint-Jérôme. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un court vidéo d'une chanson que j'ai changé les paroles, donc une petite parodie. J'espère que vous allez l'apprécier. C'est dans la foulée des élections 2012, pour pouvoir vous faire sourire un petit peu. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve candidat au sein d'un parti. Charest doit partir. Je vais laisser détruire tout ce qui nous tient à cœur. Je préfère construire un projet rassembleur. Il faut rebâtir, il faut rebâtir. Charest doit partir. Il a caché des chiffres, nous a pas écoutés. Sous commission d'enquête, il s'est retrouvé. Ça n'a pas de quoi rire. Il a détruit les ponts entre nous et le décisionnel. Les citoyens ont droit à une proportionnelle. Charest doit partir, Charest doit partir. Il nous faut agir. Il nous fait faire une crise de nerfs. Quand il parle, de démocratie, il nous fait faire une crise de nerfs, encore lui. Mettons-le dehors aujourd'hui. Moi j'espérais peu quand soudain aujourd'hui on me donne la chance de bâtir un pays. Faisons notre lit. J'ai entendu souvent que la gratuité c'est une utopie qu'on ne peut pas se la payer. Faisons-les mentir, faisons-les mentir. Jarret doit partir. Une fois je vote, par conviction j'y crois. Je souhaite qu'il en soit de même pour tous les Québécois. Charest doit partir. Retroussons nos manches, cessons d'avoir peur. Québec est promis à un avenir meilleur. Brillons-nous aussi, devenons un pays. Il nous fait faire une crise de nerfs. Mais qui donc finance son parti? Il nous fait faire une crise de nerfs. Ça suffit. Je vote option nationale aujourd'hui. Vous n'avez même pas le droit de rester. Non. Ça, ça m'écœure. Ça vous écœure? Oui, ça m'écœure en sacrament. Oui. Arrêtez de voter pour Norbert, puis là, vous la donnez la main même à M. Charest. Parce que j'ai dit les autres partis. Pauline, je la mettrais dans un moulin à chair à viande, mais là, ils viennent de me faire changer d'idée. Oui, il nous mène en bateau. Le Québec médusé en bateau. Car il nous puise au fond des poches. Puise au fond des poches. Charest navigue en père peinard. Autour c'est une marée de connards. Il mène pour les copains d'abord. Les copains d'abord. C'étaient tous des amis choisis. Et avec clairement un parti pris. Des gens qu'il sodome et honore. Sodome et honore. Et quand ils étaient en détresse, pour l'influence des SOS, en pot de vin, ils y allaient fort, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai vu beaucoup, mais celui qui au-dessus tout, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Il gouvernait en père peinard, moi j'en ai marre, bande de connards, ça s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais c'est un drum synthétique. Il avait machiné le drum électronique. On ne sait pas c'est qui se présente pour eux autres. On voit jamais leur face imprimée sur les pancartes. Contre le parti vert, personne n'a de grief. Mais personne se fâche quand sont pas invités au débat des chefs. Ils se font jamais demander leur avis sur rien. Les nouvelles citent jamais leur chef, Claude Sabourin. Ils n'ont jamais pu faire élire de députés sur leur site internet. Il y a des photos d'éoliennes, mais c'est pas eux autres qu'ils ont installées. Ceux qui votent pour eux, c'est ceux qui savent pas pour qui voter. Les désabusés, les désillusionnés, ils ont jamais fait de scandale, pis ils ont pas de crosse à l'interne. Vous allez me dire c'est normal. Ben oui, ils ont pas une crise de scène. Comme du blé d'Indec, pas de beurre pis pas de sel. comme un enfant pauvre à veille de Noël. Comme un petit chat abandonné qui pleure au fond d'une boîte, rendu dans l'isoloir. Par pitié, j'ai quasiment le goût de leur donner mon vote. C'était la chanson du Parti Vert. Et oui, les élections. Pour qui voterez-vous si vous votez, vous? Hein? Oh là là là là, que d'émotions. Que de stress. Que de suspense. En tout cas, dans Tachereau, où se trouvent les studios de CKRL, on dit que la lutte va être serrée. Alors, on vient d'entendre, quatre pièces sur les élections, dont trois pièces exclusivement sur Jean Charest. Les gens l'agissent tellement qu'ils font des chansons pour lui dire qu'ils l'haïssent. On a entendu la chanson du Parti Vert, c'est la chanson du Parti Vert, là, que dire de plus? Le collectif Prenez garde aux chiens faisait un genre de pastiche des copains d'abord. Chanson de Brassens. On a entendu Julien Banca, candidat d'Option nationale, faire Charest doit partir. Et l'excellente collaboration Metal, Unexpect et Shy Shit of Death faisaient Charest, Yark et Caca. Et je vous enjoins fortement à écouter le vidéoclip sur YouTube. Ça vaut le détour. Que dire de plus? Peut-être juste deux mots sur le collectif Prenez garde aux chiens. Alors, un collectif qui fait dans l'humour politique essentiellement. Ils font aussi de l'humour burlesque. Ils s'inspirent des guignols de l'info, des Monty Python. Et l'un des fondateurs du collectif, David Lomelin, va même s'opposer à Régis Labeaume aux prochaines élections municipales. Alors, ça va être quelque chose. Est-ce que ça prend un clown pour battre un autre clown? C'est ce que nous allons voir. On va maintenant écouter un petit bloc de chansons venues d'un autre espace, d'un autre univers. On commence avec une pièce du Vietnam, Vong Gac Dem Suong. Et ça devrait partir dans quelques instants. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard. Et vous pourrez réécouter cette émission sur le site jeunefou.blogspot.com. Thank you. amis, on vit dans une société profondément malade. Une société qui a perdu la tête et qui pense avec les pieds. Une société qui est repliée sur elle-même. Une société qui utilise le féminisme pour dire aux femmes comment s'habiller. Une société qui utilise la liberté pour nous emprisonner. Une société qui utilise le droit pour nous enlever nos droits. Une société qui utilise le mot démocratie pour casser nos grèves. Et c'est aussi une société qui utilise la résistance à la violence pour amener et provoquer toujours plus de violence. Notre société, elle est close, elle est repliée sur elle-même. Elle ne répond qu'à son propre écho, à l'écho de ses propres mensonges. Mais pour une fois, ce printemps, à l'écho des mensonges de notre élite, nous avons répondu par les deux plus beaux mots qui soient dans la langue française. C'est-à-dire, fuck you. La révolte, c'est la forme que prennent la liberté et la dignité dans une société comme la nôtre qui les nie. Il faut reprendre confiance en nous, parce que la seule légitimité qu'on peut trouver, c'est nous-mêmes qui peut se la donner. Il ne faut pas attendre que les chroniqueurs, les espèces de sphincters de la marchandise, nous la donnent. Il n'y a que nous, c'est sur notre propre autorité que nous avons bâti notre mouvement et sur notre propre autorité qu'il faut poursuivre. Il faut cesser d'avoir peur. Nous sommes tout sans eux et ils ne sont rien, mais absolument rien sans nous. Face à la crise à laquelle on fait face, nous avons un devoir de résistance. Les huissiers prennent nos portes de l'Occident. Assurons-nous de les accueillir correctement, avec une brique et un fanal. Portales, la luna y el malecón, la ría del Guayas, los bananos bajo el sol, traen al recuerdo el puerto querido, pero los amigos que dejé y tanto quiero, hoy con melodías de pasillo que enternece. Regresar hoy día, recorrer tu calle, mi querido Guayaquil, los viejos portales, los bananos bajo el sol, y en las tibias noches de luna en el malecón, la ría del Guayas acunando nuestro amor. Los viejos portales, los bananos bajo el sol, y en la... La tibia noche de luna en el malecón, la ría del Guayas acunando nuestro amor, la ría del Guayas cantándole a nuestro amor. Toujours là, et oui, toujours à l'antenne de CKRL 89.1, CKRL, émission Le Cirque Aquatique Magique, toujours avec François Gécouillard. Et on vient d'entendre un bloc de musique de l'étranger, en hommage à Jean Tremblay, qui a dit aujourd'hui que, le maire évidemment de Saguenay, qui a dit que, comment est-ce qu'elle s'appelle? Jamila Habib, elle n'avait pas le droit de parler du crucifix à l'Assemblée nationale parce que c'est une Algérienne qui s'autorise à venir dire aux Québécois mous quoi penser. Alors, bravo, Jean Tremblay. Franchement, ça fait dur, mais en même temps, ça a l'air qu'au Québec, on aime ça, des maires qui disent des vraies choses. Alors, quand même... Et donc, on a entendu... Qu'est-ce qu'on a entendu? Le groupe Coco Lagos y Sus Locos avec Mi Querido Guayaquil. On a entendu aussi le groupe turc Yonka Studio Ork avec la pièce Sevemem Artik. Et on a entendu Marc-André Cyr qui faisait un discours par-dessus. Et Phuong Dong faisait Vong Kak Dem Suong. C'est une pièce en vietnamien absolument extraordinaire. J'avais les larmes aux yeux. On va se quitter sur trois dernières pièces. Donc... on pourrait appeler ça, mettons, un bloc insurrectionnel. On commence avec un groupe punk qui s'appelle Les Parias. sujet où les gens n'auront plus rien se mettre sous la dent. Tant pire que d'antan. Leur pouvoir s'est en obéissance. Plus ça change et moins tu les ranges. Il faudrait que tu remplis les rangs. Pour pouvoir baiser dans les champs. Pour pouvoir baiser dans les champs. Pour pouvoir baiser dans les champs. Pour pouvoir baiser dans les champs. As-tu lu Martineau au matin? Oui. Tu aimais ça? Tu pourras pas rester chez vous. Tu pourras pas te brancher, changer de statut, tweeter, ni t'enfuir d'aucune manière. Non, tu pourras pas fuir. Fuir, prendre une autre bière pendant que les annonces passent. Parce que la révolution passera pas à TV. Non, la révolution passera pas à TV. La révolution sera pas commanditée par Québécois en quatre parties, sans annonce ni publicité. La révolution montrera pas de photos de Xavier Dolan ou d'Éric Duhem en train d'acclamer la victoire des Nordiques. De la bombe ou Gérald Tremblay en train de manger de la cuisine de rue interdite dans tout le beau Montréal. La révolution passera juste pas à TV ni dans le journal. La révolution sera jamais menée par le gala de la disque, Céline Pironet, tout ce beau monde qui en parle, ni Marie-Mé. La révolution ne donnera pas des 7 botox gratuits. La révolution démêlera pas les cheveux dans la douche à chaque matin suivi d'un grand cri. Pour la révolution ne fera pas suivre même sa vie. Parce que la révolution passera pas à TV. Y'aura aucune photo de toi et puis Jacques Villeneuve qui boit 5 paniers d'épicerie tout nu dans la rue juste avant le Grand Prix ou avec les Cibos essayant de faire pousser des orchidées d'une chambre d'hôtel. TV, on sera pas capable de prédire le vainqueur avant la fin des élections ni de la prochaine saison de Star Academy. La révolution passera juste pas à TV. Y'aura plus de photos de policiers matraquant les jeunes étudiants sous vos profils de nouvelles Facebook à tout bout de champ. Y'aura aucune photo de Gabriel ou de Léo, le point nésaire menant la jeunesse à la rue contre les néolibéraux. Y'aura aucun ralenti sur Pauline qui frappe une casserole portant le carré rouge, noir, vert ou n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel. On sera plus fiers que pour le festival. Non, on sera plus fiers que pour le festival. La galère, Love Story, puis la 20e saison de Virginie seront plus pas tout écoutés. Les femmes s'occuperont plus de savoir si ça va en faire réussir à charmer Priscilla parce que tout le monde va s'en coller ses raide. Ouais, tout le monde sera bien trop occupé à changer le monde. La révolution passera pas à TV. Y'aura aucun scandale inventé aux nouvelles de 11h sur les présumés propagandeurs de rappeurs québécois qui sont soi-disant payés par nos taxes ou sur le fait qu'un tel est 10 ans. Elle fait ça, la chanson telle d'LCN ne sera pas écrite par Plamondon ni chantée par Eric Lapointe, Garou, Rock Voisine. Y'a aucun chouchou de cité rock, ma tante, ni pour ma femme. La révolution passera pas à TV ni à la radio FM. La révolution ne sera pas de retour tout de suite après une petite pause de bande blanche et cendre de savon anti-graisse, pellicule plastique, pelli moulant. T'auras pas de sorcier du petit sapin que t'as juste pas dans ton char. Tu sais qui gris régale dans ton bas de saillant, les doigts dans le chaud. Mais tu fais clic-clic toutes tes toilettes. La révolution sera pas meilleure avec Pepsi ou Coke Diet. La révolution luttera pas contre les germes qui causent la gingivite et la mauvaise haleine. La révolution vous donnera pas de coups de bâton dans les roues. Mais pépi, non! La révolution passera pas à TV, passera pas à TV, elle passera pas à TV, elle passera pas à TV. La révolution passera pas en reprise à tous les écrans, à tous les ans. La révolution passera pas à TV parce qu'elle est déjà passée. L'arbre au complet, les gars puff, everyday, juice, pearl, frère. j'aime en fixe. Frigo vide, j'attends ma paye. Nick-nack, paddy-whack. Donne aux chiens un os. Hustle tall, money stack. Fais le pousser, plante un arbre. L'argent papier, ça se mange pas encore. Le cave. Peace à Nagasaki, Hiroshima, Tchernobyl. Pis le South Bronx. 1 million coquillages de mer dans mon compte. Blick, blick, blick, frappe pour un blab. Check dans ce foulard S. Proche de ton bouton quand je glisse dans le couloir. Chris, man, j'ai le coup noir de la suite de bombes atomiques. Le départ sur le green et des lutins dans le trafic. Blick, blick, frac, poudre, plow. Check, danse de foulard S. Proche de ton bouton quand je glisse dans le couloir. Chris, man, j'ai le coup noir de la suite de bombes atomiques. Le départ sur le green et des lutins dans le trafic. Yo, tour ou tard, Albazar, robe noire, polka dots, Navy War, Swords Watch, Omaha, oh my god, Pop Tart, Shopping Mart, Bumper Car, Bums Galore, Saint Laurent, Thunderbush, what the fuck's ton Cardi Bois for? 5, alive, 1 band on me, une panoplie de fou fam on me, toute l'harmonie, mais où est mom? Sans elle, mon sunny day de pistol. Et c'est l'émission Le Cirque Aquatique Magique qui se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres. Jeunefou.blogspot.com. Vous vous entendez en ce moment à la claire ensemble avec la pièce Guerre nucléaire. On a entendu Kick and Snare faire La Révolution passera pas à télé. Et les périodes faisaient Réflexion faite. Ciao, ciao. That button.